train dans le métro, faisant presque partie du troupeau, aussi peu souriant que les autres animaux. Pourtant l'odeur lui colle à la peau, pour lui le boulot commence dès le matin. Avec sa voix rock et son corps qui s'affaisse, son regard en dit long et te fixe au loin, pour te soutirer quelques pièces. Derrière ces barreaux, sous la roue SDF, pour tous un synonyme.